بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ثم أما بعد. Donc on continue dans la lecture de cette tentative de traduction de l'épître de l'éminent cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri حفظه الله تعالى. Là il va nous citer une anecdote importante qui s'est passée entre donc un savant salafi qui est Mohamed Hamid al-Fiqi et le fondateur du groupe des frères musulmans qui est Hassan al-Banna, qui est venu, Hassan al-Banna, il est venu rencontrer Mohamed Hamid al-Fiqi. D'accord, on va voir quel est donc le dialogue qui va se passer entre eux. Donc là le cheikh Abu Abd al-A'la il a raconté cela, il a dit les deux frères cheikh Mohamed et Hassan Abd al-Wahhab, c'est-à-dire ces deux cheikhs salafi, Mohamed et Hassan Abdul Wahhab Marzouq al-Banna. C'est à ne pas confondre avec Hassan al-Banna le Hizbi. Ça, c'est une autre lignée. Ça, c'est des cheikhs salafis. Mohamed et Hassan Abdul Wahhab Marzouq. D'accord. Là, ils ont narré le récit de la rencontre de cheikh Mohamed Hamid al-Fiqi, le fondateur du groupe Ansar al-Sunna. C'est le fondateur d'un groupe de da'wa. Non pas un groupe hizbi. Non, il a fait cela pour le prêche. D'accord? Il a fondé une jam'iyya pour prêcher. Parce que dans certains pays, on ne peut pas faire une activité comme en Arabie Saoudite. On peut appeler à Allah, puisqu'il y a même un ministère qui fait cela. Ministère de la da'wa et du prêche, etc. Tu peux appeler à Allah, tu rallies cela, tu es un khatib dans la mosquée, si tu as la science. Ou bien donc tu fais ce que tu peux selon tes qualifications, selon la formation que tu as, tu peux être désigné dans un poste pour la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, dans certains pays, il faut, c'est-à-dire une jam'iyya, comme quoi tu peux organiser des activités pour les gens, c'est-à-dire pour travailler dans le clair, non pas travailler dans la clandestinité, d'accord, mais pour travailler dans le clair. Là, ce cheikh, il a fondé le groupe Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya, Mohamed Hamid al-Fiqi, il a fondé le groupe Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya en Égypte. Et ils avaient un far' au Soudan. Ils avaient un far' au Soudan. Mais maintenant, donc, ce groupe, il n'est plus salafi. Ce groupe, maintenant, à l'époque où nous sommes, ils ne sont plus salafi. Il n'y a plus une jam'iyyat Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya qui est salafi. Mais plutôt, ils ont été traversée par des hizbis. Maintenant, elle est dans les mains des hizbis. Ansar Sunna al-Muhammadiyya qui se trouve au Soudan, par exemple, maintenant, c'est des hizbis. D'accord? Mais là où c'était Mohamed Hamid al-Fiqi et les savants, ce fondateur, il a eu une rencontre avec Hassan al-Banna, le fondateur du parti des frères musulmans, Ikhwan. Cheikh Abu Abd al-A'la, il a dit, j'ai entendu cette histoire directement de chacun d'eux. De chacun d'eux. J'agence ici la version de Cheikh Hassan. Il a entendu cette histoire qui s'est passée entre Mohamed Hamid Fiqi et Hassan Benna. Il l'a entendu de Mohamed Abdul Wahhab et il l'a entendu de Hassan Abdul Wahhab. D'accord? Lui, il a dit, je vais vous raconter ici la version de Hassan. C'est-à-dire du frère qui est encore vivant. Alors que Mohamed, rahmoullah, il est mort, il est décédé, il avait dépassé un siècle, rahimahullah ta'ala. Il avait dépassé 100 ans de vie, rahimahullah ta'ala, et c'est un savant salafi. Il a dit, j'agence ici la version de Cheikh Hassan Abdul Wahhab, comme il l'avait consigné dans la préface de mon livre, les explosions, les actes terroristes et les manifestations relèvent de la méthodologie des Khawarij et des rebelles, et non pas de celle des pieux prédécesseurs. D'accord? Anna le tafjirat, wal a'mal irhabiyya, wal mudaharat, laysat min manhaj salaf salih, wa innama hiya min a'mal al khawarij, wa ya'ni al mutamarridin. D'accord? Donc là, j'attire votre attention sur le fait que Mohamed Hassan, par exemple, il agrée les explosions dans les opérations suicides. Lui, il dit que les explosions, c'est une chose permise. Voilà pourquoi il s'acharne contre les savants salafis. Parce que les savants salafis, tels que Ibn Baz, tels que Al-Albani, tel que le Rudayyan, tel que le Luhaydan, tel que le Fawzan, tel que donc Abu Abd al-A'la qui a écrit cela, tel que le Cheikh Raslan, tel que le, donc les savants en Algérie, au Yémen, tel que Mokbil, etc. Ils disent que les actes comme ceux-là qui se font, où quelqu'un il veut faire une explosion au sein donc des, c'est-à-dire même des koufars, hein, là c'est interdit, c'est une chose interdite, puisqu'il va tuer sa personne d'abord, il se suicide. Ces actes suicides sont interdits en religion islamique. Donc il n'est pas permis à la personne de tuer sa personne. Il est permis d'aller combattre. Peut-être que tu seras tué ou non, mais se faire exploser comme cela, c'est interdit. Mohamed Hassan, il dit c'est permis. Hein? Mohamed Hassan, il dit c'est permis. Et il a juré, et il a insulté les savants, il a dit ceux qui disent que c'est interdit sont des menteurs. Hein? Wallah, le Moussa'an, est-ce qu'il vise vraiment là le Cheikh Ibn Baz qui avait donc il avait une fatwa très connue à l'époque où que cela il est interdit, ça c'est qatl nafs, ça c'est le suicide, hein, le suicide, celui qui va faire donc une ceinture, il va rentrer, tel que c'est ce qui s'est passé dernièrement dans les églises en Égypte, ça c'est interdit et ça c'est de la trahison d'ailleurs. Ces gens ils vivent avec vous comme des civils, ils ont une autre religion, mais il ne s'agit pas de les tuer. Ça c'est le radar, ça c'est la trahison. L'islam, il interdit la trahison. Et puis, ça c'est du terrorisme. Et ça salit l'image des musulmans. Et des koufars, ils pensent que cela fait partie de l'islam. Ça apporte beaucoup de confusion comme cela. Celui qui a commis cela, c'est un ignorant. Un ignorant. Donc là, le cheikh, il a dit, hein, dans la préface de mon livre, hein, il a écrit un livre pour clarifier cela sur les tafjiras. Donc là, le cheikh Hassan Abdou Wahab al-Banna, il a dit, il y eut une rencontre historique et importante entre Hassan al-Banna et cheikh Mohamed Hamid al-Fiqhi. Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et cheikh Mohamed Hamid al-Fiqhi, le savant salafi, hein, qui est le fondateur du groupe Ansar Sunnah al-Muhammadiyya, et qui nous clarifie la vérité des frères, hein, la méthodologie des ikhwan, hein. Donc là, le cheikh Hassan Abdou Wahab, il nous raconte cela, cette rencontre. Hein? Il dit que cela nous montre leur méthodologie, à quoi ils appellent. Qu'est-ce qu'a dit Hassan Benna finalement? Vous serez étonné de ce qu'il a dit. Comment il va oser contredire le messager Mohammed alayhi salatu wasalam? Il va dire, on va lui dire, tu prends l'avis du messager. Il va dire, non, moi je dois prendre tel autre avis. Vous allez voir ce qu'il va dire à la fin, c'est grave. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Le cheikh Hassan, c'était lorsque Hassan al-Banna avait visité cheikh Mohamed Hamid al-Fiqhi au siège du groupe Ansar Sunnah al-Muhammadiyya, si au quartier Ad-Damalisha, à Abidin, numéro 10. Voilà où était le siège, hein, de cette jam'iyya, à laquelle il appelait à la sunna. Hein. Et donc là, Hassan al-Banna, il est venu dans ce siège vers cheikh Hamid al-Fiqhi. Il y a de cela près de 60 ans. Près de 60 ans maintenant. Il y a de cela près de 60 ans lorsque cette préface a été écrite. Il y a de cela près de 60 ans, Hassan al-Banna proposa à Cheikh Hamid, hein, il proposa de coopérer avec lui dans l'appel à Allah. Il a dit, je suis venu pour qu'on coopère ensemble. D'accord, hein? Je suis venu pour qu'on coopère dans la da'wah. Hein? Cheikh Hamid lui demanda, sur quelle base et selon quelle méthodologie allons-nous nous entraider? Regardez les as-ila des gens de science. La question, il est allé directement. Sur quelle base? Sur quelle méthodologie on va, quelle est la méthodologie qu'on va suivre? Hein? Sur quelle base et selon quelle méthodologie allons-nous nous entraider? Al-Banna répondit, nous appellerons les gens à l'islam. Regardez combien cette question, cette réponse, elle est floue. Nous allons appeler les gens à l'islam. Hmm? En Égypte, les gens, ils sont musulmans en principe. Sauf la minorité des Aqbats. Les gens, ils sont déjà sur l'islam. Hein? Ceux que tu vas inviter donc dans les cafés sont déjà des musulmans. Tu ne vas pas penser qu'eux, ils sont déjà des koufars. Non, tu es entier d'islam. D'accord? Il a dit, nous appellerons les gens à l'islam. D'accord? Cheikh Hamid dit, mais tout le monde prétend appeler à l'islam. Hein? Tout le monde prétend appeler à l'islam. Clarifie-moi sur quelle méthodologie, on va travailler. Hein, tout le monde prétend appeler à l'islam. Pourtant, nous sommes enjoints d'appeler à la croyance islamique authentique qui est fondée sur le monothéisme pur et le désaveu du polythéisme. Il lui a dit, si on veut donc une méthodologie, on doit appeler à At-Tawhid et on doit combattre Al-Shirk. Hein? C'est celle à quoi tous les messagers, alayhim salam, hein, et à leur tête, le sceau des messagers, Khatam al-Anbiya, c'est-à-dire le dernier envoyé, hein, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont appelé. Il a dit, si on doit coopérer moi et toi, on doit appeler à At-Tawhid et on doit combattre Shirk d'abord. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'a répondu le Benna? Il dit, nous rassemblons les gens d'abord. Hein? Nous allons rassembler les gens d'abord autour de l'islam, que tout le monde connaît. Puis nous les invitons à l'unicité. Par la suite, on va les inviter à l'unicité. Regardez cette réponse, comment elle est politique. Et comment il essaye donc de, hein, donc de contredire la voix donc du prophète, alayhi sallam. Cheikh Hamid répliqua, c'est plutôt que nous les appelons à l'unicité d'abord. Nous les appelons à l'unicité d'abord. Comme avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la prédication à la Mecque. Hein? Al-Banna répondit, si nous appelons les gens à l'unicité, ils nous abandonneront. Alors regardez comment il va dévier. Si on va les appeler à At-Tawhid, ils vont nous abandonner, ils ne vont pas venir dans Ma'ahizm. Ils nous abandonneront. D'accord? Cheikh Hamid a dit, il n'est pas de ton devoir de les guider. Allah guide qui il veut. Tu dois appeler à At-Tawhid. Ceux qui vont répondre à l'appel de At-Tawhid, hein, donc ils ont fait ce que Allah veut. Mais toi, tu dois faire ta mission. Tu appelles comme ton messager, il a appelé. Ceux qui vont rallier c'est-à-dire cette da'wa, alhamdulillah, la da'wa du messager, alayhi salam. Ceux qui ne vont pas la rallier, donc toi, tu as fait ce que tu devais faire. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous répète, si nous appelons les gens à l'unicité, il a da'awna al-nas ila at-tawhid, yatrukna al-nas, nas yatrukunana, hein? Ils nous abandonneront. Cheikh Hamid dit, il n'est pas de ton devoir de les guider. Laisse aller kahoudahum. Hein? Allah guide qui il veut. Cheikh Hassan, donc qui raconte cela, Hassan Abdul Wahhab, qui raconte cela, il a dit, aucun d'eux n'avait consenti à la vie de l'autre. Ils ne se sont pas mis d'accord dans la da'wah. Hein? Aucun d'eux n'avait consenti à la vie de l'autre. Et ils se séparèrent sur cela. C'est l'essentiel de la rencontre, comme je l'avais entendu de plus d'un parmi mes anciens amis de Ansar Sunna. C'est-à-dire, cela c'était connu, hein, parmi les grands savants qui étaient dans cette jam'iyya de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, cette anecdote s'est passée comme ça entre ce grand savant qui est Muhammad Hamid Fiqi et le fondateur des frères musulmans qui est Hassan al-Banna. Hein? Donc là, le cheikh l'a dit, je l'ai entendu de plus d'un de mes anciens amis de Ansar Sunna et à leur tête mon frère Cheikh Mohammed, hein, qui est mort, comme je vous ai dit. Et ainsi que je l'ai entendu du professeur Ahmed Al-Gharib. Hein. C'est donc là, il est en train donc de citer de qui il a entendu cette histoire. Hein. Ça c'est des akhbar at-tiqat. On accepte khabar at-tiqa. Lorsque un savant te rapporte quelque chose, ou un talib ilm, ou un musulman digne de confiance, tu acceptes le haq. Hein? Tu ne vas pas dire, kaboul khabar tiqa. Hein? C'est-à-dire, celui qui est tiqa, qui est adl, hein, qui est tiqa, on accepte ça. C'est-à-dire, sa narration. Que dire que c'est des gens de science qui sont en train de rapporter cela? Hein? D'accord? Cette information est confirmée par plus d'un parmi les gens crédibles. Hein? Min akhbar tiqa. Très bien, fin de citation. Et Cheikh Mohammed Abdul Wahhab avait dit dans la préface de mon livre, hein, les explosions et les actes terroristes et les manifestations relèvent de la méthodologie des Khawarij et des rebelles. Hein, de la méthodologie des Khawarij et des rebelles. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Mohammed dans la préface de ce livre? Il a dit, voici la traduction de cette citation, c'est qu'il y avait l'un de mes amis qui s'appelle Sayyid Sa'd à Al-Ismailiyya. Une région en Égypte, à Al-Ismailiyya, il y avait quelqu'un qui s'appelle Sayyid Sa'd. Al-Banna s'asseyait avec ceux qui demandent secours à Allah. Qui demandent secours à autre qu'Allah. Yastaghithuna bighayrillah, ça c'est sûr. Hein? Al-Banna s'asseyait avec ceux qui demandent secours à autre qu'Allah. D'accord? Avec ceux qui prétendent que le messager était créé de lumière. Ça c'est généralement Roulette Sophie qui dit cela. Ils disent que le messager, c'est pas un être, c'est-à-dire ordinaire, hein, qui est né donc d'une femme et d'un homme, hein? Non, il est donc né de il est créé de lumière, hein? Il est créé de lumière, hein? Et le Benna il s'asseyait avec eux, hein? Et qui portait des amulettes et des talismans, hein? Alladhina kanu yahmiloun al-hujub wa talasim, qui portent cela sur leur corps et ainsi de suite. Il s'asseyait avec eux. D'accord? Al-Banna répond, Sayyid Sa'd disait, cela n'est-il pas du polythéisme? Hada laysa shirk. Hein? Il a dit, cela n'est-il pas du polythéisme? Hein? Tu ne leur interdis pas ces choses? Ce savant lui a posé la question. Toi, tu t'assois avec ces gens. Est-ce que tu leur transmets ou non? Tu vois ces choses. Il s'y rattabirait l'illa. Hein? Et tu vois quoi d'autre? Hein? C'est-à-dire, ils demandent secours à autre qu'Allah. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils prétendent que le messager, il est créé de lumière. Ça, c'est Roulette Sophie qui dit cela. Hein? D'accord? Et quel est le troisième point? C'est qu'ils portent sur eux-mêmes, sur leur corps et sur leurs vêtements ces choses. Hein? Est-ce que cela n'est-il pas du shirk? Hein? Tu ne leur interdis pas ces choses? Al-Banna répondit, je ferai. Hein? Je ferai, c'est-à-dire plus tard. Ba'din. Je ferai après. Les Égyptiens disent ba'din, c'est-à-dire après. Je ferai après. Hein? Il retarde, donc il lésine, hein, dans ces questions, hein, du shirk. Il ne s'agit pas de retarder dans les questions du shirk. Les questions du shirk, il s'agit donc de sauver la personne. Peut-être que tu vas mourir, ou donc lui, il va mourir sur cela. Tu vas mourir avant de lui transmettre. Ou bien lui, il va mourir peut-être, hein, avant que tu ne lui transmettes. Il a dit « ba'din ». Il fait « taswif ». Il dit « après ». Après, je vais leur dire. Hein? C'est toujours « après ». Hein? Ce n'est pas le moment convenable, a dit Hassan al-Banna. Non, ce n'est pas le moment convenable. Maintenant, il ne convient pas de leur parler de cela. Hein? Ça, c'est une choubha de shaitan. Hein? Ça, c'est une choubha de shaitan. Il leur dit, non, le moment n'est pas convenable de lui parler de cela. Le messager, il a transmis tawhid. Hein? Il a combattu al-shirk. Hein? Il ne retardait pas ces choses. Il a dit, ce n'est pas le moment. Sayyid Sa'd demanda, comment donc si tu meurs avant de leur apprendre? Hein, il a dit, si tu meurs avant de leur apprendre, comment donc, hein? Hein, quelle serait ta situation devant Allah? D'accord? Il répondit, Hassan Banna, il répondit, je saurai comment répondre. Hmm? Je saurai comment répondre. Hein? Regardez comment il y a un subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est alors que Sayyid s'en lava les mains et le délaissa. Ça y est, il a dit celui-là, donc c'est pas difficile de continuer la conversation avec lui. Il s'en lava les mains et il le délaissa. Ceci est parmi les paradoxes de Hassan al-Banna, a commenté le cheikh qui rapporte cela, c'est-à-dire Mohamed al-Wahhab. Hein? Il a dit, ceci est parmi les paradoxes, qu'il connaissait l'unicité et le polythéisme. Il connaissait que cela c'est du polythéisme chez ces gens. Hein? Mais ils n'en parlaient jamais, parce que cela va diviser. Eux, ils disent, vous allez diviser les gens lorsque vous allez leur parler de tawhid et de shirk. Nous, on veut les réunir dans notre groupe pour qu'ils votent pour nous. Et vous allez venir leur dire shirk et tawhid, sunna, bid'a, vous allez diviser les gens. Il faut les rassembler sur des choses que tout le monde, il accepte. Vous allez lui parler de tawadu et personne ne va dire non. Vous allez lui parler de la modestie. Tout le monde va dire, j'essaierai d'être modeste. Hmm? Tu vas lui parler de la sincérité, il va dire, oh, je vais m'efforcer d'être toujours sincère. Hein? Tu vas lui parler comme cela des bons comportements, hein? C'est-à-dire de s'être, de l'amour entre les musulmans et de ces choses. Personne ne va donc sortir de ton parti. Mais si tu vas dire au Rafidi, non, il ne s'agit pas d'insulter un compagnon, hein? Donc il ne s'agit pas de faire ceci. Le Sophie, tu vas dire donc quelles sont ses erreurs, rien ainsi de suite. Tu vas déployer le conseil vis-à-vis des gens, ils vont se diviser, ils vont se séparer. Ils vont se séparer. D'accord? Donc là c'est la fin donc de la citation, hein, du Cheikh Mohamed Abdel Wahhab. L'érudit savant Abdelrazzaq Afifi. Donc qu'est-ce qu'il nous rapporte ici? Il nous a rapporté les avis de Ibn Baz, de l'Albani, et de l'Rudayyan, et de l'Uhaydan. Maintenant, il nous a raconté ces deux anecdotes. Et maintenant, il va nous raconter la vie d'un grand savant qui est Abdelrazzaq Afifi, qui était membre de l'Ajmad Daim al-Ifsa, du comité permanent. Mohamed Hassan nous a ramené une fatwa du comité permanent. Voici les avis des gens de science dans ce comité permanent. Qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Parmi eux, Abdelrazak Afifi, qu'Allah lui fasse miséricorde, hein, qui était le vice-président du comité permanent. Hein? Il était d'origine égyptienne, Abdelrazak Afifi. Hein? Mais il était donc un savant donc, dans cette lesna de l'Arabie saoudite. Comme il y a d'autres savants, d'autres grands savants qui n'étaient pas donc saoudiens. Hein? Mais ils ont donc fait une grande da'wa dans l'Arabie saoudite, tel que Cheikh Al-Jami, comme on a rappelé, tel que Mohamed Al-Ansari, hein, tel que Mohamed Taqiddin Hilali. Hein, donc ils ont fait une da'wa donc, à certaines époques dans ce pays qui appelle à la voie de Salaf Salih. Donc là, Cheikh Abdelrazak Al-Afifi dit dans son fatwa sur le groupe Tablir, qu'est-ce que dit Abdelrazak Al-Afifi? En réalité, ils sont des innovateurs, des superstitieux et des gens de sexe, Qadarites et autres. Pardon, Qadirites, Qadiriya. Non pas Qadarites, ils sont des innovateurs, Mubtadi'a, ils sont des superstitieux, Khurafiyoun, et ils sont des gens de sexe, Qadirites et autres. Yantamoun ila tariq al-Qadiriya wa ghiriya. Leur sortie n'est pas dans le sentier d'Allah, mais dans celui de Ilyes. Ils sortent, non pas dans le sentier d'Allah, mais dans le sentier d'Ilyas, parce qu'ils travaillent sans hizb. C'est un hizb en réalité, c'est un hizb. Ils préparent, ils sont en train de gagner donc, du terrain et des atba'a pour... Donc c'est un hizb. Même s'ils prétendent qu'eux, ils ne parlent pas de siyasa, donc ils sont en train de propager une da'wa fausse d'abord. Donc là, ils n'appellent pas au livre et à la sunna, mais à Ilyas qui est leur cheikh. Fin de citation du Cheikh Abdelrazak. Et l'érudit savant Hamad al-Ansari, voici un savant malien, qui était en Arabie Saoudite, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, citation, les gens de ce groupe ne veulent pas la science, ils ne la quêtent pas. Eux, ils disent, il ne s'agit pas donc de demander la science, de quêter la science. Il est connu de s'établir cela. Il éloigne donc le serviteur de la recherche de la science. Ils disent qu'il s'agit donc de faire la da'wa, d'aller travailler, d'aller œuvrer dans le sentier d'Allah. Sans science, c'est faux. Lorsque tu es dans le chemin, comme ça tu vas apprendre les choses. Subhanallah. C'est en forgeant qu'on devient forgeur. Allah al-Moussaïm, il travaille avec peut-être ce proverbe. Il délaisse les hadiths et les paroles qui incitent à... Et dans le Coran Karim qui montre Fadl Talab al-Ilm et que donc il s'agit donc de Al-Ilm qabla al-Qawl wal-Amal, il s'agit de quêter la science avant de la propager. Et eux ils travaillent, c'est comme si c'était un métier. Comme si la da'wa c'est un métier, on va apprendre lorsqu'on fait donc cela. Et c'est ce que fait ce Qasim que je vous ai dit, le Français. Il est en train donc de propager des choses aux gens alors que lui-même il a besoin donc de d'apprentissage. Il est en train de propager alors que lui il n'a pas encore donc mûri les questions et les apprentissages au point qu'il commet des erreurs flagrantes. Des erreurs flagrantes. Wallah al-Musta'an. Très bien. Donc là, Cheikh Hamad al-Ansari, il a dit, les gens de ce groupe ne veulent pas la science et ils ne la quittent pas. De cette façon, ils corrompent plus qu'ils ne réforment. Ce groupe de Tablir, je le connais bien. Dans la croyance, ils sont maturidi jishti. D'accord? Maturidi, c'est un groupe qui est un peu similaire à l'ash'ariya. D'accord? Ils ont une croyance proche de l'ash'ariya. Ils ont ta'wil sifas. D'accord, Maturidi, Jishti. D'accord, Jishti, c'est une tariqa qui est propagée en Inde. Eux, ils font le bay'a de Al-Jishtiya et de Al-Qadiriya et donc d'autres Sahrurdiya et de donc Naqshbandiya. Trois sexes, ils font le bay'a pour ces groupes. Il a dit, dans la croyance, ils sont Maturidi, Jishti. Et dans la voie de l'fiqh, ils sont des Ahnaf fanatiques. Ahnaf muta'assiba. Dans l'fiqh, ils s'attachent à l'Ahnaf, à Madhab l'Ahnaf. D'accord. Et il dit, tout un chacun qui suit une pensée contredisant les gens de la sunna, il n'en fait donc pas partie. Il ne fait plus partie des gens de la sunna lorsqu'il va suivre une voie, une pensée contredisant les gens de la sunna. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Il va suivre donc le Benna, ou qu'il va suivre Mohamed Ilyas, ou qu'il va suivre ses théoriciens. D'accord? Qui se sont frayés d'autres chemins. D'autres chemins. Donc, il continue, il a dit, le groupe Al-Ikhwan ainsi que Al-Tablir ne font pas partie des gens de la Sunna, puisqu'ils sont sur des idées qui les contredisent, qui contredisent les gens de la Sunna. On a vu une fois avec l'épître de Cheikh Najmi combien d'égarements avait le Benna. Combien il avait d'égarements. Fin de cette citation. Et l'érudit savant Salih al-Fawzan. Voici un autre udou de Hayat Kibar al-Ulama et de l'Ajna Da'ima. Puisque Hassan a apporté une fatwa de l'Ajna Da'ima. Il a dit voici l'avis de l'Ajna Da'ima. Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, fut interrogé. Quelle est la règle sur l'existence de ces sectes? At-Tablir, Al-Ikhwan al-Muslimin, Hizb al-Tahrir, et d'autres dans les pays, donc des musulmans en général. Donc pour Hizb al-Tahrir, c'est un groupe qui est apparu en Palestine et au Liban, surtout dans ces pays, et il s'est propagé dans le monde. Peut-être que maintenant ils n'ont plus beaucoup de présence, mais à une époque il était actif, Hizb Tahrir. Donc il éloigne les gens donc vis-à-vis des gens de la science, il propage les isha'at, les rumeurs à l'égard des gens de science, et il critique les gens de science et il insulte les gens de science pour éloigner les gens par rapport à l'ulama. La deuxième chose, c'est qu'il lève donc le slogan de Al-Khilafa. Ils disent que ça c'est fard al-furu. Ils disent que ça c'est l'obligation par excellence. C'est la plus grande obligation. Khilafa. Comme Daesh maintenant, Khilafa. Le calife. D'accord? Voyat'an, parmi les choses par lesquelles ils se sont donc démarqués et fait remarquer, Yat'an fi khabar al-wahid wa fi atab al-qabr. Ils se sont signalés par le fait qu'ils n'accessent pas khabar al-wahid fi l'ahadith. Les ahadith qui sont en arrêt, c'est-à-dire avec des chaînes de transmission où il y a un rawi vers l'autre, n'acceptent pas cela. Ils disent, nous, on ne travaille qu'avec le mutawatir. Ils veulent faire tashkik vis-à-vis de beaucoup de haqa'id qui sont transmises comme cela. Les gens de l'islam, ils acceptent khabar al-wahid. Lorsqu'on vous dit, haddathani fulan an fulan, lorsque c'est un sahabi qui vous rapporte ce qu'il a appris d'un autre sahabi, ou bien un successeur qui a eu cette chose, donc c'est des gens dignes de confiance. Lorsque la chaîne elle est propre, lorsque la chaîne elle est faite de udoul, d'accord, khabar tiqa an tiqa, il est acceptable. Pourquoi dire non, on efface tout cela? Donc ils ont fait cela, ils ont combattu l'islam avec cela, et cela est apparu, comme je vous ai dit une fois, donc ne pas accepter khabar wahid, cela est apparu avec les mu'tazilites au départ, et jusqu'à une autre époque avec l'aqlaniyin qui refuse cela. Et avec ce groupe, par exemple, il s'est distingué par le fait de refuser Khabar al-Wahid. Ils disent que les chaînes de transmission où il y a un homme qui tient l'information d'un autre, nous, on n'accepte pas cela. Nous, on veut lorsqu'il y a un groupe. Ils veulent combattre beaucoup de aqaïd qui sont transmises comme cela, par les akhbar de l'ahad. Tels que aqidat adab al-qabr. Au point que ceux qui les ont critiqués, ils ont dit, ils ont parlé de adab al-qabr plus qu'ils ne parlent de leur obligation par excellence qui est Fard al-Furud, qui est donc le califat. Ce qu'ils ont écrit, ce groupe, ce qu'ils ont écrit sur Adab al-Qabr, c'est plus que donc ce qu'il a écrit sur Fard al-Furud qu'il prétend. Donc ils ont beaucoup écrit pour combattre cette aqida de Adab al-Qabr, de le châtiment de la tombe. Nous, on croit qu'il y a un châtiment dans la tombe. Ils ont dit non, il n'y aura pas un châtiment dans la tombe. Et ils ont combattu les hadiths. Wallah al-Musta'an, d'accord. Leur mu'assis, c'est Taqiyuddin Nabhani. Il avait un aïeul aussi soufi qu'on lui, Nabhani. Leur mu'assis, c'est Taqiyuddin Nabhani. Et ce Hizb, il avait un nashat, une activité au Liban et en Palestine surtout. Et il s'est distingué par ses idées. D'accord, donc là, on s'est arrêté sur cette question qui fut posée à Cheikh al-Fawzan. Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer avec la réponse de Cheikh Al-Fawzan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.